Anna. Il y a de l'Italie dans ta voix, des petites boules de Campari soda. Il y a toi, il y a moi, Rosanna, Rosanna. Je te mens pas, tu mens pas, on se ment pas. Rosanna, Rosanna, il y a un démon sur ton bras, il est mieux là que sur ton cœur, Rosanna. Rosanna, Rosanna, Rosanna, Rosanna, Rosanna, Rosanna, danse la samba avec ferveur. Quand elle arrête de bouger, elle a peur. Il y a toi, il y a moi, Rosanna, Rosanna. Je te manque pas, tu manques pas, on ne sait pas. Rosanna, Rosanna, dans ton ventre vit une tumeur. Elle est mieux là que dans ton cœur, Rosanna. Rosanna, Rosanna.